si, avec la marmotte. Avec si, avec la marmotte. Avec si, avec la marmotte. Nun lasst mich nicht so gehen.